Merci d'être là, tout le monde. C'est un plaisir d'animer cette émission. Une heure en compagnie de deux grands artistes de la musique. Elle nous vient d'Estonie. Elle s'appelle Maria Nutt. Welcome, Maria. Hello. Il s'appelle Kia Tabassian. Il nous vient de Montréal. C'est le directeur musical de l'ensemble Constantinople. Bonjour, Kia. Eh bien, bonjour. Merci d'être là et merci d'autant plus que vous serez en concert ce soir et vous avez accepté non seulement de venir soutenir le Radioton et parler avec nous, mais aussi de nous offrir des prestations en direct. On va en avoir deux au cours de la prochaine heure. Je sais que c'est pas toujours simple de faire de la radio le jour d'un concert. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce que, en fait, quand l'invitation a été, quand on a eu cette invitation, moi, je pouvais pas le refuser. Je me suis dit, c'est KRL. Plein de fois, j'ai fait des émissions de radio, en fait, des entrevues ici. Donc, il faut absolument soutenir parce que vous nous avez soutenus au fil des dernières années, quand à chaque fois qu'on vient à Québec, on a une entrevue pour présenter nos concerts. Donc, nous sommes très, très heureux d'être ici. Et bon, on avait nos instruments et on s'est dit, il faut quand même jouer un peu. Voilà, vous allez peut-être vous échauffer ici avant de partir pour la grande salle, puisque ce soir, vous présentez quelque chose de très spécial. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre Constantinople, entre Kia et Maria qui nous vient de si loin? Oui, en fait, c'est une rencontre entre, dit un peu simplement, entre les deux mondes musicaux. C'est Maria, je l'ai entendue il y a quelques années, et c'est une artiste fantastique, assez exceptionnelle, qui vient d'Estonie, et qui vient d'abord de la musique traditionnelle estonienne, mais qui ouvre complètement... avec sa créativité personnelle sur des compositions et sur des créations personnelles. Donc elle pose un peu sa signature personnelle sur cette musique. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ses démarches. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit bon, c'est un monde très très lointain de ce que moi je fais d'habitude. Mais justement, c'est ça qui m'a attiré vers cette collaboration. Je me suis dit ces mondes si loin l'un de l'autre peuvent éventuellement être complémentaires. Et peuvent avoir une rencontre intéressante pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse de cette rencontre. Donc c'est un peu ça qu'on va présenter ce soir au Grand Théâtre. Maria, how did you experience this encounter with Constantinople and with Kia? Were you surprised? Was it you who approached them or vice versa? It was vice versa. I think Kia asked me 3 times. I always said no, and till the end, I just gave up. And actually, it's quite nice. Maria nous dit que c'est Kia qui l'a approché en 3 fois pour la convaincre de cette collaboration, et elle a fini par céder. Good idea. So we have the chance to have you here tonight in Quebec City. And thank you for being here on the day of a concert. It's very appreciated. Thank you. So your musical background are quite different. How was it for you to adapt or to find a place to share musically? Oh, that's a big question. I think, it's always very complex. And to be very honest, I'm not actually a fan of collaborations. Mm-hmm. Because it is very, very complex always. But I think where it all starts from is the mindset of two people. So it can be that there's a collaboration that works very well between people who maybe on the surface have nothing to do with, but they share the same values or approach, or what are they looking for from music. Because I mean, it's doesn't matter what style it is. It's a tool to express something. So I think the starting point really is about the two people and if they get along or not. Right. Yeah. I'll translate a little bit for our listeners. Okay. Maria nous disait qu'elle n'a pas l'habitude des collaborations. Je pense que c'est une femme qui travaille plutôt en solitaire, mais qu'on trouve toujours un terrain d'entente quand on partage des valeurs communes. Même si les styles musicaux sont différents, c'est pas ça qui compte le plus. Tu es d'accord avec ça, Kia? Oui, je suis d'accord, absolument. En fait, collaboration en termes musicaux, il y a toujours moyen de s'arranger, il y a toujours moyen de trouver soit des similitudes, soit des différences. Et, je veux dire, au niveau musical, ça devient la cuisine. Oui. Mais ce qui est plus compliqué, c'est vraiment en tant que deux personnes qui... quand en plus les deux personnes sont des créateurs, donc c'est, on part sur une approche créative. Il faut vraiment que les deux personnes s'entendent humainement aussi, mais qu'il y ait certaines approches qui peuvent collaborer ensemble. Et que les instruments se rejoignent aussi, parce que c'est pas banal ce que vous utilisez comme instrument tous les deux. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien sûr, les instruments sont encore là. Ici, c'est très différent. Moi, je joue cet instrument qui s'appelle le setar, un instrument à cordes pincées d'origine persane, d'origine iranienne. Et Maria, elle joue le violon style plus estonienne, mais elle a une background aussi en musique classique. Mais elle joue aussi beaucoup, beaucoup d'électronique. Vous allez entendre, ça fait partie de son instrument, c'est une extension de son violon, tout ce qui est électronique, traitement en temps réel de son violon et sa voix. Et les deux, on chante, en fait. Donc, c'est une rencontre entre à la fois nos instruments, nos voix, et à travers tous les traitements électroniques que Maria amène dans le projet. So you must be quite a technician to use electronic devices during your concerts on top of your violin, your voice. I sort of manage, yes. Uh-huh. But it's my instrument, actually. So it's the same. I play violin and then I play a looping pedal or looping. So it's really a part of the way how I compose music. So it's just one of my instruments. And unfortunately, really, it's true that lots of technical knowledge and cabling and everything has to come with it. So I learn more every day. Yeah, it's always a little complicated. Yes. Marianne nous explique que l'électronique, le looping qu'elle utilise sur scène fait partie vraiment de sa musique. C'est comme ça qu'elle compose, c'est comme ça qu'elle travaille. Et elle doit se perfectionner et apprendre sans arrêt parce que ça fait partie d'elle et je pense que c'est là pour rester. Estonian music, what can you tell us about it? Because, you know, it's far away, we don't know it very much. I think then you probably have to start with people, because I find it always very difficult when people ask, what is it so special about Estonian music? I mean, the themes that people sing about, they're same all over the world, and there's a lot of... I think the universal things are really universal, but then, of course, there are some local things, and... Well, it's good to compare me and Kia. We are really coming from different cultures, which is very funny. And yeah, we are up north. It's dark. It's cold. the land is pretty empty. We are a bit more than 1 million people, but one third of it lives in a capital city. Mm-hmm. So rest of the country is rather empty, and you can have your house in the village and nothing around for kilometers. Mm-hmm. So we are used to be on our own, not to express much, pretty silent. We usually look very serious and maybe even angry. But it's just that we are... That's long winters, right? That's long winters, yeah, and that's sort of the character. So we probably don't open up so easily, and we have really this saying that we think a lot before we say anything. So, mm-hmm. Maria, je lui demandais qu'est-ce qu'on pouvait dire de la musique estonienne, et elle disait c'est un peu comme partout, les thèmes qui sont chantés sont toujours un peu les mêmes, la vie des gens, et bien sûr le territoire vient jouer sur ces thèmes, sur cette musique, un territoire assez vaste et peu peuplé finalement, puis des gens qui ont toujours une allure assez sérieuse, qui réfléchissent beaucoup avant de parler. Je suggérais que ce soit lié en partie aux longs hivers. On connaît ça ici aussi. Hein? We know about long winters here too. Donc, on va peut-être commencer à s'installer pour une prestation, pour une première pièce en direct. If you want to go, Maria, to just get ready for a little tune. Ça promet, je pense. Kia Tabassian et Maria Nutt nous ont donné tout à l'heure, pendant qu'on s'installait, qu'on faisait des tests de son, un petit aperçu de leur talent. Alors, On vous offre cette possibilité de les entendre sur scène et peut-être si vous venez nous rejoindre en studio, 405 3e avenue à Limoilou. C'est le Radioton de CKRL qui se poursuit. Et ces deux artistes internationaux seront en spectacle ce soir au Grand Théâtre de Québec, je vous le rappelle. Et il y a toujours, on m'a dit qu'il y a toujours de la place, on peut toujours acheter des billets pour aller les voir. Alors, si vous êtes prêts, on y va. venez d'entendre Kia Tabassian et Marie Anutte au Radioton de CKRL. Venez nous voir, nous avons de la place pour vous. Vous pourrez assister en direct à nos émissions. Ça se poursuit ce soir également. C'est la fin ce soir de notre Radioton. Et je me dois de vous donner le montant d'argent amassé jusqu'à présent. À 15 heures, nous avions un montant de... 44 dollars. Et c'était 29 244 dollars. En estonien, merci beaucoup Maria Nutt, une de nos invitées. Nous avons aussi Kia Tabassian qui est avec nous, que vous avez pu entendre juste avant la pause nous jouer en direct une de leurs pièces en échauffement pour leur concert de ce soir au Grand Théâtre. Kia, cet instrument que tu tiens, je pense qu'il fait partie de toi, tu le tiens depuis un très jeune âge, n'est-ce pas? Oui, assez jeune âge. J'ai commencé à jouer cet instrument-là que j'avais 11-12 ans à peu près. Et c'était un coup de foudre avec cet instrument. J'habitais en Iran à l'époque, à Téhéran. Donc c'était dans les années 1960. Non, pas le 64. Non. C'était en 95 à peu près. Oui. Je pense. Mais c'était les années de la. J'ai vécu mon enfance à Téhéran, mais c'était les années de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc il y avait. C'était très très intense. Beaucoup de bombardements et tout. C'est des scènes horribles, mais cet instrument-là, je ne sais pas en quel. En fait, on est allé voir un concert avec mon père et je suis tombé en amour avec cet instrument-là. Et c'est la musique est devenue très très importante dans ma vie dès cet âge-là. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai coup de souvenirs d'une enfance très très heureuse. C'était ton premier instrument? Oui, je jouais toutes sortes de choses, je chantais, oui, mais c'était vraiment mon premier instrument en tant que tel. Donc c'est le sitar, c'est un instrument à cordes. C'est un instrument à cordes pincées, il y a quatre cordes, littéralement sitar veut dire trois cordes, un instrument à quatre cordes. Mais il a quatre clés, je vois. Oui, quatre clés, en fait une quatrième corde a été rajoutée pour doubler la troisième corde. Mais on l'a toujours appelé sitar. C'est un instrument qui a au moins 3000 ans. Il y a des statuettes et des l'iconographie en Iran avec des musiciens qui jouent cet instrument-là, une luth à manche longue avec trois cordes. Donc voilà, c'est un instrument qui existe depuis très très longtemps et ça a toujours été vivant au sein de la musique persane. Donc ta première culture musicale, c'est de la musique persane, c'est de la musique ancienne. Quel est ce bagage qui est à l'origine de tout ton travail depuis? Mais disons que la musique savante ou classique persane, donc c'est une musique modale, c'est la musique que j'ai apprise sur cet instrument-là. Et après, quand je suis venu ici à Montréal, j'ai étudié la composition, j'ai étudié le violon, j'ai découvert les manuscrits de musique ancienne, j'ai fait mes recherches, je me suis ouvert à toutes sortes de mondes musicaux et que j'essaie de aussi toujours de découvrir à chaque jour et à chaque projet. Et ce qui me fascine, moi, dans ton parcours, c'est que même si tu as quitté l'Iran à l'âge de 14 ans pour venir au Québec, tu n'as jamais perdu contact avec ce bagage d'origine, finalement. Tu l'as même perfectionné, même une fois absolument. Ici. Oui, absolument. Au niveau littéraire, je lis beaucoup, je chante en persan. Oui. Et en fait, c'est un peu comme nos racines. Je pense qu'il faut toujours rester... proche de ses racines. Je fais toujours cette image de l'arbre. L'arbre pousse vers la lumière, grandit, mais les racines sont toujours là. Et si les racines sont plus là, en fait, l'arbre meurt. Donc, il faut vraiment rester assez proche de ses racines. Il faut les soigner. Mais en même temps, qu'on grandit et qu'on va ailleurs. Les racines ne nous empêchent pas de grandir et d'aller ailleurs. Tout à fait. Maria, you will play a second piece for us. Can you tell us a little bit about it? It's an evening song and something to finish the day in many senses. But it talks about how to send the day to sleep. Mm-hmm. So it's traveling over the forest, over the sea or river, and then it goes to its siblings, sisters and brothers, and there's a nice silver cradle and very soft pillows, and then the day can rest to be new after that. I like that poetry. Je vais vous I'll leave you go and get ready. Je vous laisse vous installer. Moi, je vais traduire un peu ce que Marianne nous a raconté. La prochaine pièce, ils vont nous l'interpréter ici en direct du studio de CKRL. C'est une pièce de soir qui dit bonne nuit à la journée qui se termine et qui présente toutes sortes d'images poétiques. D'oreillers, de satin argenté, etc. Donc, ça semblait très poétique comment elle en parlait. Je vous laisse les écouter. Kia Tabassian et Marianout au Radioton de CKRL. Thank you. Bravo, Marianne Hutt et Kia Tabassian. Au Radioton de CKRL, merci, que dire, après une telle prestation, c'est vraiment, ça fait du bien à l'âme, n'est-ce pas, public? Oui. On a besoin de cette musique, je pense, par les temps qui courent, on a besoin d'un peu de réconfort et de prendre le temps de dire bonne nuit à la journée qui se termine, chanson de soir, ça fait vraiment du bien. Et ce soir, ça se poursuit au Grand Théâtre. Kia, on parlait tous les deux avant l'émission, tu m'expliquais que maintenant, ces séries de concerts que tu organises se promènent dans plusieurs villes. Oui, en fait, nous avons cette saison de concerts que nous présentons à Montréal depuis 16-17 ans maintenant. Mais depuis cette année, en fait, la série est présentée également en parallèle le lendemain ou deux jours après à Québec, au Grand Théâtre de Québec, et à Toronto, au Musée Agacan et à Ottawa. Quelle bonne idée. Donc oui, c'est une vraiment, on est très très content de ces collaborations parce que c'est des, à chaque fois c'est des créations, c'est des projets sur lesquels je travaille depuis longtemps, un travail de longue haleine et ça fait du bien de le présenter quelques soirs de suite à un public plus large. Donc le public de Québec, moi j'adore le public de Québec, à chaque fois qu'on vient ici il y a une chimie, une énergie qui se passe avec le public qui est assez exceptionnel. Donc je suis très content de pouvoir présenter tous ces concerts au Grand Théâtre. J'aimerais qu'on dise un mot sur l'improvisation. Je sais que ça fait partie de ton travail, Kia. Maria, you know that improvisation is an important part of Kia's work. What about you? I think it's a part of your work too, isn't it? I never improvise. You know, something tells me that you're kidding me. Yes, yes, of course. I mean, when we talk about traditional music, or even though if I make my own compositions now, but it's so much inspired by roots music and improvisation, it's really all about that. But I guess the ways how people improvise are different. I mean, what is common is that there are usually some unwritten rules, or like I would say, like grammatics, yeah, in a musical language or a dialect that you use, and then you improvise inside that. But as the languages are different, then within Estonian music, as you heard, you know, I just keep on repeating one thing, and my improvisation or variating often happens just the little idea about phrasing that same note differently. So instead of playing 10 notes, I keep on just repeating that one note, mm-hmm, but with a different feeling, and that's an improvisation. Maria nous dit que, je ne vais pas traduire tout ce qu'elle a dit, c'est parfois un peu technique, mais l'improvisation tient une place importante dans son travail aussi, et même s'il y a différentes façons d'improviser, on trouve des terrains d'entente. Parfois, il s'agit de répéter un petit détail différemment avec sa façon de travailler, ça, c'est tout à fait possible. Et je pense, en tout cas, on a eu la preuve que ça fonctionne très bien ensemble, it works very well together. Believe it or not, this show is going to finish quite soon. On va finir cette émission bientôt. It's quite sad to see you go. C'est triste de les voir partir, mais heureusement, on peut se rendre au Grand Théâtre pour ce soir. J'aurais voulu, Kia, qu'on parle aussi de ton engagement. Tu as cofondé le Centre des musiciens du monde à Montréal. Donc, tu travailles toujours de cette façon-là pour développer la musique, pour créer des rencontres. Oui, en fait, le centre a été créé dans le but de justement permettre à un plus grand nombre de musiciens de créer et de leur permettre de se rencontrer. C'est un lieu physique à Montréal depuis septembre dernier, un lieu qui invite à la fois les artistes, les musiciens, se rencontrer, échanger entre eux, mais échanger avec le public, avec les enfants, les jeunes. Donc, il y a toutes sortes d'activités. Allez voir sur le site Centre des musiciens du monde. Donc vous allez voir, sur il y a Internet. Toutes sortes de d'activités qui se passent là. Merci de ton engagement et continue, c'est très bien. On va d'ailleurs entendre une pièce enregistrée de l'ensemble Constantinople pour finir l'émission, mais juste avant, je vous remercie tous les deux, Kia Tabassian, Marianne, thank you very much for being here today. Thank you. Merci. Enjoy your show tonight. Merci, à ce soir. Merci. Et je vous rappelle que le Radioton de CKRL se poursuit jusqu'à ce soir. L'émission de clôture aura lieu à 18h. Dans quelques instants, une heure avec Monsieur Cocktail, Jessica Leb et Patricia Plante. Merci à Simon Roy et Patrick Bolduc à la technique. Merci à Adam Guillemette qui m'a tenu le temps comme un pro. Ici Guylaine Saint-Pierre, je vous dis à très bientôt. Bon Radioton.